Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en podcast sur la grandeur et la décadence des Mérovingiens. Nous avions vu comment était organisé le pouvoir mérovingien autour de l'institution du palais royal. Et maintenant, nous allons nous intéresser davantage au règne de Clovis II. Alors Clovis II, après la mort de Dagobert, Dagobert est mort en 639 d'une appendicite, et il est remplacé sur le trône par Clovis II en Eustrie et Bourgondie, et par Sigebert III en Austrasie. Lorsque Clovis II est proclamé roi de Neustrie et de Bourgogne, la cérémonie se passe dans la villa royale de Malle-le-Roi, sur les bords de l'Yonne, comme le soutient le chroniqueur anonyme du Liber Historiae Francorum. Malle-le-Roi se trouve opportunément à la jonction des deux royaumes de Neustrie et de Bourgogne. Et c'est le début d'ailleurs d'une... On avait déjà parlé aussi de cette consécration royale. Il faut savoir que la consécration royale d'un roi franc se fait de façon progressive. Ça se fait en plusieurs étapes en fonction de l'âge du roi. Une première cérémonie a lieu au moment de la mort du roi précédent, qui fait que le jeune roi est immédiatement hissé sur le trône. Il y a donc une cérémonie du trône avec peut-être soumission des nobles du royaume, suivi ensuite d'une autre cérémonie à l'âge de 12 ans, si le couronnement a eu lieu plus tôt, où le jeune roi est fait seigneur, une cérémonie qui ressemble à l'adoubement des rois à l'époque capétienne, et qui se fait toujours à 12 ans. Et enfin, il y a une autre cérémonie qui est, disons, plus politique, et qui se caractérise par un acte politique fort, et qui se passe à l'âge de 26 ans, âge qui était pour les Romains l'âge pivot faisant passer le jeune adolescent de la jeunesse à l'âge adulte et qui donnait accès aux charges publiques, à des charges publiques conséquentes. À l'époque mérovingienne, le jeune roi, en général, pose un acte fort qui est aussi bien un acte politique qu'une intronisation royale. Et on se souvient d'ailleurs comment Childebert II, fils de Brunehaut, avait proclamé sa fameuse décrétion en 595 devant une assemblée de grands réunis sur le Champ de Mars à Paris. Alors, Clovis, lui, a 4 ans quand Antilde exerce la régence. Et pour ça, la reine Antilde doit s'appuyer sur l'assistance de maires du palais, vraiment loyaux. Ainsi, elle s'appuie sur l'assistance du maire du palais Ega, pour le royaume de Neustrie, qui est déjà en fonction à l'époque de Dagobert. Et alors, il est présenté par les partisans des Carolingiens comme un intrigant assoiffé de pouvoir, mais d'autres chroniqueurs le considèrent plutôt comme un homme probe et accessible, quoique un peu avare. En tout cas, sa nomination a lieu en même temps environ que l'éloignement des célèbres et considérables ministres de Dagobert, que furent Éloi et Ouin, tous les deux nommés évêques, ce qui est une véritable promotion à l'époque. Mais c'est aussi peut-être dans l'intérêt des gars qui ne voulaient plus que de telles personnalités lui fassent de l'ombre, ou bien simplement ces hommes pieux et assoiffés de se consacrer à Dieu ont-ils demandé leur congé. En tout cas, il exerce ses fonctions sans partage de maire du palais pendant à peu près 3 ans avant qu'une fièvre quinte ne l'emporte. Et il est remplacé en 641, je crois, par un certain Erchinoald, en français moderne Archambault, qui prend la succession. Ce Archambault est un cousin de Bertrude, qui est la mère de Dagobert. C'est un homme de palais, expérimenté, doux. Alors, à la même époque, sous la pression peut-être des conseillers austrasiens, Nantilde réintègre le Pépin de Landen dans ses fonctions de maire du palais d'Austrasie. Mais il mourra un an plus tard et sera remplacé par son fils Grimoald, fils indigne s'il en est. Enfin, les Bourguignons, contrairement à leur habitude, demandent aussi un maire du palais. Alors Nantilde se déplace donc à Dijon, ou peut-être à Orléans, où elle nomme un certain Flavade. On ne sait pas qui est ce Flavade, on ne sait pas pourquoi elle le nomme, On sait en plus qu'elle lui fait épouser sa nièce. Est-ce que Flavade est l'amant de la reine, comme le pensent certains historiens modernes? Ou est-ce que simplement c'est un ami très proche d'Archambault? On sait que les deux ont un très bon rapport. Ou bien tout simplement est-il de ces Bourguignons profondément anti-austrasiens? Et à une époque où l'Austrasie monte en puissance, on comprend que la reine Nantilde préfère s'appuyer sur un Bourguignon qui partage ses intérêts, c'est-à-dire voir une Austrasie, disons une Austrasie pas trop puissante. En tout cas, dès qu'il va rentrer, pardon, en fonction, il va rentrer en guerre, et il va rentrer en guerre contre un grand aristocrate bourguignon, le Patrice Willibald. Quelle est la raison de cette haine farouche? Les chroniqueurs prétendent que cette animosité serait purement personnelle. Elle a l'air en tout cas, et elle daterait bien avant l'accession de Flavade à la mairie du palais. Mais sur un plan politique, on a l'impression que Flavade s'attaque à ce Willibald, parce que ce Willibald est donc un membre de cette aristocratie très puissante, de sang mêlé, c'est-à-dire gallo-romain et franc, susceptible de faire alliance avec des ennemis du Regnum Francorum. Il est possible aussi que Flavade voie en Willibald un soutien des Pépinides. En tout cas, deux batailles, puis un duel ordalique plus tard, auront raison des deux ennemis irréconciliables qui mourront à 11 jours d'intervalle, en 642. Pas brillant. Archambault devient alors maire du palais de Bourgogne, et les revendications particularistes des Bourguignons s'inclinent devant la compétence et la sagesse du nouveau maire de palais. L'expérience Flavade n'a pas convaincu. Quelque temps après le duel ordalique, la reine Nantilde est retrouvée morte. Assassinée, elle n'a pas encore 40 ans. Aurait-elle été assassinée par les partisans de Willibald qui se vengent sournoisement, ou au contraire déjà par les fameux Pépinides? Il faut savoir que la famille des Pépinides, donc Pépin de Landen, eh bien, qui a une fille qui s'appelle Béga, et qui, mariée à Anquise, va donner le fameux Anquise, qui est le fils, lui, d'Arnoux, le fameux évêque de Metz, donnera naissance donc à la famille carolingienne. Ce clan ne cesse d'étendre son pouvoir aux dépens du jeune roi d'Austrasie, Sigebert III. Pépin de Landen, donc, qui a réintégré ses fonctions de maire du palais après avoir obtenu la mise à l'écart de son neveu Adalgisel, meurt de vieillesse en odeur de sainteté. Mais ce court retour, donc à peu près en 642, donc il reste pas très longtemps maire du palais, mais ce court retour au pouvoir lui aura permis de désigner son successeur, selon une logique dynastique, son fils Grimoald. Mais il faut savoir que même au palais de Metz, au palais royal de Metz, eh bien, il y a des partisans d'un pouvoir mérovingien fort et les partisans des Pépinides, même parmi les Austrasiens. Et parmi les partisans du pouvoir mérovingien fort et légitimiste, c'est-à-dire ceux qui sont opposés à cette espèce de présence et de succession dynastique du pouvoir au profit des maires du palais Pépinide, eh bien, il y a un domestique du palais qui s'appelle Othon. Et il décide d'ailleurs, il se saisit de la mairie du palais qu'il exerce pendant un certain temps avant que Grimoald le remplace. Cet Othon sera d'ailleurs assassiné par des hommes de main à l'accent alamans, dans des circonstances parfaitement louches. Alors évidemment, Grimoald va se défendre d'être à l'origine du meurtre, mais il n'en ressortira pas grandi, et ce sera un peu une tâche qui va le suivre jusqu'à la tombe. La suite de l'histoire, d'ailleurs, bien que remplie d'invraisemblances non élucidées par la recherche historique, illustre cet amour du pouvoir qui possède Grimoald. En fait, Grimoald, même pour les historiens pro-carolingiens, sera toujours considéré comme le contre-exemple, celui qu'il ne faut pas imiter. Il aurait fait d'ailleurs, une légende prétend qu'il aurait fait croire à Sigebert qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa jeune femme Chimnechild, et que donc il fallait qu'il adopte son propre fils, celui-ci devenant roi sous le nom de Childebert III en 657. Mais malheureusement, Chimnechid donne quand même naissance à un fils qui s'appelle Dagobert. Et évidemment, au moment où Childebert III, qui est en réalité le fils de Grimoald, deviendra roi, eh bien, Grimoald tonsurera le Dagobert et l'enverra dans un couvent. En réalité, une analyse plus rapprochée montre que ce Childebert III est peut-être probablement vraiment le fils de Sigebert, et que Sigebert, s'entend craignant pour sa vie, aurait voulu que son maire du palais adopte son fils pour le protéger. Et ainsi, donc, la tonsure de Dagobert et son envoi dans un couvent en Irlande aurait été de la réelle politique au profit des Mérovingiens. Rien de nouveau sous le soleil. Et les faits pensent plutôt pour cette version-là. En tout cas, Grimoald mourra assassiné, et Childebert III va mourir aussi, non pas assassiné, mais décapité, éventuellement, sous les yeux du successeur de Clovis II, qui est son fils aîné, Clotaire III. Merci, et nous allons voir maintenant un personnage très important pour qui va régner non seulement du vivant de Clovis II, mais après sa mort, et qui va laisser une trace très importante pour le reste, pour l'avenir, pour la postérité. Et cette personne est une femme. Merci et à bientôt.